古筝曲高山流水，清新淡雅。 二胡曲江河水，汹涌澎湃。 古琴曲流水，绕梁不绝。 水是美之源泉， 珍惜水资源，让美永驻人间。 带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月，请欣赏 DG 唱片出版的奥芬巴赫声乐作品精华集，德国女中音索菲·冯·奥特演唱的奥芬巴赫著名轻歌剧经典唱段。 Dites-lui que j'en perds.

Thank you.

Pour égaler la petite boule de thé qu'il s'agit pas de folle, y en a pas un 里，亚那潘，亚那潘，喏，亚那潘，亚那潘，喏，亚那潘。 Thank you. Thank you. suis Alsacienne. Je suis Alsacienne. Quand une Alsacienne. Tout un Alsacien. La main dans la sienne. Chante le rien. Top-t-il Alsacienne. Top-t-il Alsacien. Juhé! Das Leben ist doch eine Freude. Juhé! Das Leben ist doch ein Plaisir. Juhé! Das Leben ist doch eine Freude. Juhé! Das Leben ist doch ein Plaisir. Je suis Alsacienne. Je suis Alsacienne. Quand une Alsacienne. Trouve un Alsacien. Je suis Alsacienne. Je suis Alsacien. Nous sommes de vrais Alsaciens. Fifez nos balades, nos vieilles chansons. Nos folles campagnes dans nos fricassons. C'est à nos familles qu'on voit du merci. Les plus belles filles, je dois croire ainsi. C'est dans nos villages qu'on voit de tout temps. Des soeurs de ménage de nos petits enfants. Oui, dans nos villages, on voit de tout temps. Oui, pour tout enfant. Qui, comme père et mère, chante d'une voix fière. Qui, comme père et mère, chante d'une voix fière. Das Leben ist doch eine Freude, Juhé! Das Leben ist doch ein Plaisir, Juhé! Das Leben ist doch eine Freude, Juhé! Das Leben ist doch ein Plaisir, rien ne fond, nos montagnes, nos vallons, nos torrents, rien ne fond, nos campagnes, nos prises. Je sais qu'on dit aussi la foi que tu consommes et je dois croire ainsi. Mais ton amour des fils un noble ou d'un ou de congrès pour ressasser c'est un ayant droit ne peut à ma manière chanter d'une foi fière. Chante, chante, chante d'une foi fière. Oh, chante d'une foi fière. Oh, je suis Alsacienne. Je suis Alsacienne. Quand une Alsacienne trouve un Alsacien. La main dans la sienne. Chante en leur lien. Top-t-il Alsacienne. Top-t-il Alsacien. Juhé! Das Leben ist doch eine Freude. Juhé! Das Leben ist doch ein Plaisir. Juhé! Das Leben ist doch eine Freude. Juhé! Das Leben ein Plaisir. Das Leben ist doch eine Freude. Das Leben ist doch ein Plaisir. Thank you.